enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! You guys, what do you got against Terry Benedict? What do you have against him? That's a question. He torpedoed my casino. Muscled me out. Now he's gonna blow it up next month to make way for some gaudy monstrosity. Don't think I don't see what you're doing. What are we doing, Ruben? You're gonna steal from Terry Benedict. You better goddamn know. This sort of thing used to be civilized. You'd hit a guy, he'd whack you, done. But with Benedict, at the end of this, he better not know you're involved. Not know your names or think you're dead, because he'll kill you. And then he'll go to work on you. That's why we have to be very careful. Very precise. Well-funded. Yeah. You gotta be nuts, too. And you're gonna need a crew as nuts as you are. Who do you got in mind? Ça couperait de mon rédacteur. Ouais. Est-ce qu'on peut inviter le public à un travestissement du sens? Oui, à la déstructure de la compréhension? À un éclatement sans frein et sans fin du langage? Je sais pas. D'après toi, moi. Mon Ghislain? Est-ce qu'on peut arriver à ça? T'as pas compris? Est-ce qu'on peut inviter le public à un travestissement du sens, à la déstructure de la compréhension, à un éclatement sans frein et sans fin du langage? En ce 15 avril, avons-nous le droit de nous offrir cela? OK? OK. Oui. Le décorum. Tu veux qu'on appelle le décorum? Là, en début de... On ne sait même pas si on est branché. Gaétan, peux-tu vérifier si on peut appeler le décorum? Mais non, mais lui... Non, mais parce qu'il ne sait pas si on peut laisser le public comme ça, là. Ben, certes. Ben, OK. Elle va vérifier. Mais là, je comprends pas pourquoi tu t'imagines que le public est pas prêt. Le décor... Ben oui, OK, on va essayer de l'appeler, là. Gaétan est là-dessus, là. Est sur le numéro. T'es-tu sur le numéro? Lâche-le! Elle est sur n'importe qui. Oh! Hier, tu te souviens? On a fait une petite fête entre amis parce qu'avant de faire l'émission, là, il faut communiquer. Il faut se dire des affaires. Puis il se passe des choses pendant la semaine. Puis... Ouais, on se divulgue, là, nos petites cacheteries de la semaine. Puis, oh, j'ai resté coincé. Puis, c'était pas juste la glace, sur la glace. Au mois d'avril, il n'y a plus de glace, ça fond, hein? Ça fond. Puis, le besoin de siphon, ça fond. Oh, on l'a ici, le décor. OK? Oui? Allô? Ben là, on l'entend pas. Le décorant? Oh! Écoutez, monsieur, on a une ouverture d'émission qui demande votre appréciation. Hein? Votre attestation. Bon. Vous écoutez Errance Renaldienne? OK. Peux-tu enlever l'écho? Enlève l'écho. OK. Vous l'écoutez à chaque semaine ou... OK. Est-ce que vous aimez ça, ce genre d'humour-là? Oui. Non, mais... OK. Mais ce qui me plaît, moi, c'est que vous... laissez votre réponse avant que j'aie fini la question. Vous êtes de même dans la vraie vie, vous? Alors, le décorum, là, moi, j'avais une petite ouverture comme ça, là, insignifiante, là, comme l'émission peut l'être pendant 120 minutes. Est-ce que vous voulez que je la redise ou vous l'avez entendue? Aimeriez-vous une répétition encore? OK, non, mais c'est bizarre, hein, comment... C'est vraiment la voix de fermez ma grande gueule. Madame, monsieur le décorum? Vous êtes masculin, vous, hein? On dirait vers la fin que vous vous endormez. L'émission n'est pas, pas normative. Ah, oh, non, elle n'est pas ses tablettes non plus. Elle est bien froide, elle est très froide. Mais, oui. Merci. Hey, ben, c'est ça. Vous saviez que c'était ça? Ouais. Ah, tu peux faire 20 minutes avec ça? OK. Alors, la phrase est la suivante. Voulez-vous que je me lance? Alors, on se lance. Est-ce qu'on peut inviter le public à un travestissement du sens, à la déstructure de la compréhension, à un éclatement sans frein et sans fin du langage? Oh! Le décorum a réagi. Elle dit oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Si le décorum le dit, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas de retour là-dedans. Juste de la voix, oui. De la voix et de la chance. Merci, le décorum. Bonne soirée à l'antenne de CKRL. Raccroche, plus capable. Raccroche. Bon, vous savez que depuis quelques mois, j'ai changé de boulot. Bon, j'aurai pas te voir. C'est pas important, c'est ma vie privée. Mais je suis. Donc, dans un marché ou... ouais, marché. Et t'as pas l'air d'être certain. Non, moi, je suis certain de rien. Dans mon existence, je suis certain de deux affaires. La première affaire, c'est que je suis venu au monde et que je vais partir de ce monde. Ça, c'est les seules choses que je sais. Je sais à 100%, je me mets la main sur le feu régulièrement. Regardez-moi la main. C'est pour ça que c'est rendu, pas de la chapelure, mais de la... Comment t'appelles ça quand de la suie, même pas de la suie, de la garnotte de cuisson, là, quand ça cuit trop, ça brûle. Quand ça brûle, c'est charbonneux. Les charbonneux de l'enfer, si vous avez connu ça là, dans votre temps, encore aujourd'hui, ça chante ce monde-là. Ça chante, ça s'époumonne, c'est merveilleux, c'est fier d'être Québécois comme moi je le suis. Et puis donc, en parlant de ça, c'est ça l'intérêt de vous. Je suis épicier. Mais je vends des épices, là, mais pas juste ça. Donc, commis, en tout cas, au plancher, je suis gérant de soir. Et j'ai des clients que j'adore, dont un couple africain. Un couple africain qui, la dame me pose souvent des questions par rapport aux us et coutumes de notre pays, le Québec. À un moment donné, j'étais en train de nettoyer. Elle me dit, est-ce que les hommes font ça au Québec? Je dis, oui, les hommes, les femmes. Elle dit, ah oui, chez nous, c'est juste les femmes. Ah oui, mais vous êtes au Québec, donc nous, on fait aussi, on lave des comptoirs, on lave des étagères, on essuie des pintes de lait. Oui, on est équivalent. L'équivalence, c'est ça. Et puis, ils sont venus me voir hier. Ils avaient acheté des frites surgelées. Des patates coupées. Donc, en forme de frites. Là, quand je regardais ça, c'était pas une sculpture. Là, c'était pas mon ami Picasso qui avait sculpté quelque chose. C'était fait au ciseau. Non, pas au ciseau, au couteau. Au ciseau aussi, peut-être, je sais pas. Je suis pas rentré dans les signifiances là, ouais, à ce niveau-là. Donc, ils avaient des patates surgelées, des patates frites surgelées. Et ils s'intéressaient à ce qu'ils allaient mettre dessus. Donc, ils viennent me voir, ils me disent, vous savez, là, la sauce rouge, là, qu'on peut placer ça. Ah oui, j'ai dit du ketchup. On va placer la marque peut-être 3-4 fois, mais on ne la nommera pas plus que 3-4 fois. Je l'ai dit une fois. Alors, là, elle me dit, ah ouais, c'est quoi? J'ai dit, ben du ketchup. Là, j'ai montré le pot. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Puis là, je lui ai même suggéré essayer cette marque-là, qui est la véritable marque de la sauce aux tomates que l'on connaît pour appliquer sur des frites, que la marque maison. Après, si vous aimez ça, essayez la marque maison et vous allez peut-être trouver la similarité entre les deux. C'est bien sûr moins cher, la marque de notre commerce, que ce que je vous propose là. Puis là, j'ai dit à la dame, « Ala, ala, ala, ala. » Non, c'est pas une « ala », elle. Ah non, c'était plutôt une africaine. Donc, elle me disait, je lui ai dit comme ça, j'ai dit, « Quand vous allez manger ça, madame, là, vous allez vivre le rêve américain. Il ne vous manque, encore une publicité, que du Coca-Cola. Et là, vous serez 100% dans le rêve. » Mais attention, là, elle me demandait, parce que j'en avais en plastique et en vitre, vous savez, les pots. J'ai dit, madame, en 1970, lorsque j'étais enfant, lorsqu'il restait un fond de ketchup, on devait rajouter un peu d'eau et le brasser, histoire qu'il se liquidifie pour que ça dégouline encore sur notre hamburger ou n'importe quel mets. Mais avec ça, madame, là, c'est en plastique, vous pressez dessus. Un peu comme un orange. Hein? L'orange, vous la pressez, vous retirez le jus jusqu'à la dernière goutte. Mais ce pot-là, c'est ce que vous pouvez faire. Mais je vous conseille, en même temps, celui pour la première fois, celle en vitre. Ce produit en vitre. Parce que c'est mon époque. Le plastique n'existait pas. Bien, il existait, mais on ne faisait pas ça avec ça. Là. On faisait ça dans un pot de vitre. Puis, c'est pour vivre les années 50, à un moment donné, il faut mettre le paquet. Le paquet était donné là. Hein? La dame est partie avec ça, très heureuse. Elle est revenue me voir avec du maïs soufflé que l'on vendait, déjà éclaté. Puis là, elle me dit, est-ce que c'est sucré? J'ai dit, non, c'est pas sucré. Mais c'est très bon. Puis, ils ont placé au-dessus une fermeture à coulisses. Hein, vous attendiez la publicité, hein? Une fermeture à coulisses. Pas pire, hein? Je viens de dire ça en direct. Je ne savais même pas comment appeler ça. Je voulais dire un livre-bloc. Hein? Livre-bloc. Je n'ai même pas dit mon livre-bloc. J'ai dit, hey, fermeture à coulisses. C'est un rini, ce gars-là. Garde de la radio. Oh, il va faire des bonnes émissions. Pas ce soir, là, mais arrête. C'est une très belle émission, ce qu'on fait là, là. C'est pas n'importe quoi. Pas gêné, toi? Depuis quand tu te donnes? Et puis là, c'est là que finit mon histoire, là, le ketchup ou le rêve américain. Bon, j'ai dit quatre fois, quand même, pas pire. Depuis quand tu juges le panneau? On va revenir là-dessus, lui, là. Là. Regarde-moi dans le fond du canail. Tu connais la Chine? Non, c'est pas des Chinois, les gens. Non, non, c'était des Africains. Puis ils parlaient à la fois en français, puis à la fois dans leur langage, dans leur... comment tu appelles ça, le Québécois, c'est pas... dans leur sang, dans leur langue, dans leur compréhension, que moi, que je n'avais pas. J'ai de la misère à parler, imaginez-vous, le français. J'ai plus tranquillement la langue française de Molière, l'Iroquois. L'Iroquois, je parle un peu l'Iroquois. J'ai fait une chanson en Iroquois, là. Oh, oh ça, là, mais je ne la referai pas. C'est un grand... c'est quoi, ça fait un mois que j'ai fait ça? On l'a fait-tu? Oui? Non? Un court extrait. Comment ça, c'est pas de l'Iroquois? C'est de l'Indien. Mais voyons donc, l'Indien, un Iroquois, c'est un Indien? Là, il y a Indien, Amérindien. Ça, c'est complexe. La vie, c'est pas aussi simple que 1 plus 1 fait 7. Ça fait pas 7. Ça fait pas 7, ça fait pas chic. 1 plus 1, ça fait pas chic. Indien, Amérindien, Iroquois. Puis il n'y a pas juste des Iroquois, il y en a plein. Il y a des Cris. Il y a des Machiches. Connais-tu ça, les Machiches? Les Machiches, c'est des Amérindiens de... Exactement. Ben, tu savais un petit peu sans savoir, là. À Yamachiche, il y a des Achiches. Puis quand ils font des accouchements, ils achichent la femme enceinte. Hey, bon. C'est une petite fois que je voulais lancer ça. Pour rire. On est ici pour avoir du plaisir. On a-tu du plaisir? Hein? On en a pas beaucoup, mais on l'étale. On aime ça étaler. Ah, oh, la peinture. On a 1 millilitre. On va te couvrir ton mur là, de 12 pieds par 20 pieds avec ça. Faites-en pas. On va en mettre de la salive dans le pot. Putain, ouais, putain, il reste un petit peu de couleur. Ça va de plus en plus de foncer à pâle. À presque pâle, à plus pâle. Quand c'est plus pâle, c'est plus drôle. Parce que là, la dame qui a demandé des peines professionnelles, ben, hey, écoutez, mes chers messieurs, vous êtes 3 peintres professionnels. J'ai payé le plein prix, le plein tarif. Mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que ce mur de merde? J'ai pas demandé un mur de merde, moi. J'ai demandé un mur de couleur, mais pas de couleur merde. Mais merde, qu'est-ce que vous faites? Madame, lorsqu'on vous a approché, on était assez loin. Parce qu'on sentait pas très bon, on avait fêté Philippe, c'est la fête à Philippe hier. On avait fêté Philippe, on lui a demandé, viens-tu peinturer avec nous demain? Et il disait, je sais pas, je serai en état, on sera pas en état, c'est pas important, viens peinturer, toi, on va avoir du plaisir, on va avoir l'agrément. Là, vous nous arrivez avec un petit pot de peinture, là, pour un mur aussi grand que ça. Prenez-vous pour des magiciens buzz. On est buzzés, mais on fait pas de miracle avec ça, là. Fait que pour en arriver à faire un mur qui ressemble un peu à la couleur que vous nous aviez donné, fallait diluer. On diluait, mais pas dans le verre. On n'a jamais dilué dans le verre. Et on continuait. Oh, la grosse bière. Non, mais ça peinture mieux à la bière. Pas la bière sur le mur, la bière dans le bedon. Oh, à un moment donné, tu regardes ça, ton mur, là. Prends 5-6 bières. Madame, prends 5-6 bières, madame. Pas de la bière d'épine, la vraie bière, la grosse bière, la 10-10. Oh, ouais, je dirais pas la marque, là, mais achetez, ouais. Voulez-vous qu'on aille vous en acheter? On a un transporteur, on a un indigné ici qui va venir nous le reconduire à l'épicerie. Aimeriez-vous à l'épicerie avec nous? Vous êtes trop gêné, moi. Ouais? Oh, regardez, t'es une bourgeoise, la salerie. Ouais, entre céleri et cap rouge, en fait, ça embrasse. Moi, je suis un poète, madame. Je fais de la poésie nocturne. Je fais de l'errance nocturne avec ça. Deux affaires en même temps. J'écris puis je marche partout. Oh, la partout amène les idées. Tu sais, hein? Tu sais plus quoi dire. À un moment donné, tu t'arrêtes, mais tu écris. Après ça, tu repars. Hein? Je suis comme un reproducteur de mots. Hein? Reproducteur de mots. Hein? Mais là, voulez-vous qu'on vous achète la bière? On a un taxi indigné qui nous attend en bas. Comme la chanson de Gilbert. Le taxi en bas qui m'attend. OK, on va revenir avec la bière. Vous allez voir votre pain là, ça a l'air de rien. Sortez de la chambre. Bon, sortez de la chambre. Attendez. On va boire la bière dans le salon. Après ça, on va se diriger vers la chambre. OK? On va revenir dans 5 minutes. 5 minutes plus tard. Hey, on arrive avec la bière. Quand même, on fait des analepses. C'est merveilleux. On est capable de faire ça ici, de transposer le temps, de le modeler. C'est le fun de modeler le temps. Hein? Il n'y a pas juste de la plasticine qu'on peut modeler. On peut modeler l'imaginaire aussi. C'est quand même touchant de savoir qu'on peut tout faire ça, nous, l'humain. L'être humain, aussi grand, mais aussi insignifiant et crétin que l'être humain qui est en train de détruire sa planète, puis détruire le en haut, il y a de la poubelle en haut, il y a de la poubelle même sur Terre, la poubelle est partout. Mais en tout cas, c'est pas ça l'histoire. Fait que l'ellipse. 5 minutes plus tard. « Eh bien là, on vous a amené votre billet. Eh bien, en fait, vous n'avez pas demandé la sorte, là. On a deviné. On est une petite bourgeoise, un genre de petit champagne. On n'avait pas beaucoup d'argent. Vous ne payez pas. Vous payez sa critique, mais vous ne payez pas en argent comptant. On ne veut rien savoir de la nature, là. Et on a quand même une dignité. On ne va pas être traumatisé à la vie. Oh, vous êtes merveilleux. Non, vous êtes belle. Belle de loin. Mais comme Alain. Alain de loin, mais Alain de proche. Au monde, ça fait dur. Mais au moins, vous n'êtes pas aussi prétentieux qu'Alain de loin. Parce que lui, Alain, il fait du cinéma, moi. Je suis un acteur. Pas un artiste. Je suis un acteur. Je fais des films. Je joue. Je suis l'artiste. Je suis... Le rôle, je prends le rôle. Je me le fais pénétrer dans la matière grise. Je deviens le personnage. Je deviens le personnage. Je deviens le personnage. Je deviens le personnage. Voyons donc, Alain Delon est comme toi. Malade, ça. Perd les nerfs, perd les haies. Bertrand Bambat, tu sors de ce corps? Tu pognes du monde pour ça? Comme Bertrand Bambat. Hein? Bon. On va continuer l'histoire. Allons vous acheter de la bière. Non, mais on va dire, quand même, c'est beau, hein? Comme une publicité entre. Bon. On vous a acheté de la bière. Comme champ. Voyons donc. C'est comme ça. Regardez-moi bien. C'est comme un coulis, un élixir. Aimez-vous ça, les élixirs? Élixirez-vous. Et mon Dieu, vous avez un bon bras, hein? 2 bouteilles en quoi? En 1 minute? Hey, les yeux commencent à changer. Ah, le regard est autre. Vous n'êtes plus la même. Êtes-vous prête? Ouais, c'est un petit cri d'alarme. C'est un cri d'alarme. Quelques mots d'amour. Je me vois en larmes. Elle pleure, elle est prête à pleurer. Ça veut dire qu'elle est sous le seuil de l'intolérance. Alors voici. Avancez vers votre chambre, avancez. Voilà. On va vous aider. Vous titubez. Prenez pas l'alcool, vous.

professeur à l'Université Laval qui ne savait pas comment écrire Tigidou Lai Lai lorsque je faisais des études en création littéraire. Des études. J'ai étudié, moi, pour être innocent. J'ai étudié pour être innocent. Oui. J'ai endetté 15 000 piastres. J'ai payé ça sur le chien. Sur le chien, j'ai vendu des chiens. Non, des chiens chauds. Moi, non, j'ai pas de moutarde leur aller. Je fais juste du ketchup. Je fais des chiens chauds au ketchup. Pas de moyen de faire aller. Je moutarde. Moi, c'est ketchup. Pas d'oignon. Saucisse, pain. Pff, fini là. Avec du ketchup. Saint-Laurent-Dog. Pas frère, Saint-Laurent-Dog. Ailleurs, vendu ça 25-30 piastres. C'est de la saucisse, moi, là. Là c'est de la saucisse A1. Le A1, B2, bingo. A1, B2, là, tu peux pas voir ça ailleurs que c'est. C'est ici. C'est T7 qu'on les fait. C'est T7. Quand je m'en irai, là, quand j'en vendrai plus, je vous pourrez plus à m'en rire. J'ai le brevet. J'ai l'unicité du goût. Unique. Va partout dans le monde. Là. Va au Brésil. Va à Matane. À Lisbonne. À Limoilou. Merci, Tipenjo. À Limoilou. Va partout sur la planète. T'en trouveras pas des chiens chauds de même. C'est juste moi qui vais des chiens chauds. C'est le secret, c'est pas dans le pain, parce que le pain, je le prends chez Tigidou Bye Bye. Mais la saucisse, fait maison. Fait maison. Go home. Il y a beaucoup de Haïti là-dedans. C'est extraterrestre. Ça m'arrive, non? La recette m'est arrivée. Je roulais en scooter. Là, il y avait comme une lumière qui m'est arrivée dessus. M'a emporté, m'a fait monter mon scooter vers la lumière en haut dans le ciel. Parce qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel. Puis là, je suis redescendu, puis il y avait une feuille entre les deux lèvres de la bouche. Je suis pas une fille, quand. Et il y avait la recette de la saucisse. C'est une saucisse spéciale et spatiale. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce comment? Non, c'est plus en vente maintenant. J'ai arrêté. J'ai payé mon prêt bourse avec ces saucisses spéciales. Il n'y en a plus. J'en ai pas congé. J'ai déchiré la recette. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénald Le Néant Gagné. À quoi va faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marchons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs Ça me, je l'ai dit, ça. Aujourd'hui, le vendredi 15 avril 2016, l'Errance Rénaldienne vous propose, comme à son habitude, une dérapante et une décapante route afin d'abandonner pour quelques minutes vos valises trop lourdes qui souvent vous ralentissent dans votre quotidien. Alors cette nuit, tentons d'oublier notre boulot, nos études, nos problèmes familiaux pour entrer dans l'univers de mon invité, rencontré à Paris sur la rue des Abbesses en 2015. Et j'ai nommé, et je vous la nomme pour la deuxième fois, parce que la semaine dernière, nous avons eu la première partie. Aujourd'hui, c'est la deuxième et dernière, avec Ryoko Nuruki. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière? Ben, cette semaine-là, c'est la même magie. La preuve! Méfie-toi, Mickey.

Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Sa bouteille dans sa poche. Les gens disaient, ah oh, que c'est moche. N'avait pas choisi son soleil, il le recherchait. Il disait, je ne comprends pas. J'ai de l'amour dans chaque doigt et l'impression que le bon Dieu, c'est bien de moi. C'est de l'alcool liquide qui coule dans mes veines et c'est mieux comme ça. C'est le poison dans le flacon qui le faisait voyager. Un jour par méprise ou mégarde, la bouteille s'est cassée. Elle n'a pas su comment lui dire qu'elle ne l'aimait pas. Oh mon amour, oh ma bouteille, pourquoi tu m'as fait ça? Combien de temps, moi, je veux devoir vivre sans toi. Le monde entier peut bien venir me consoler, non, rien n'y fera. Trouvé déconnecté, la tête sur le côté. Le blanc des yeux se retourner. Laissez-le mourir au soleil, les gens s'écriaient. Avec eux c'est toujours pareil, ils n'ont pas de pitié. Parfois les nuages s'indignent et se mettent à pleurer. Française. Ok. Ouais, mais parce que bon, japonais c'est ma racine. Ouais, c'est ça, c'est ta langue maternelle. Ouais, ouais. Mais la française, pourquoi? Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que je peux pas corriger mes accents. Ok. Non, mais c'est ok, c'est bien. Et toujours, j'ai un peu complexe pour ça. Okay. Donc, j'aimerais bien être française pour parler bien français, okay, correctement. Limpide, beaucoup moins réfléchi. Tout à fait, naturel. Naturel. Ouais, ouais, okay. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans la langue française? Ça vient, tu peux imaginer le geste. Geste, le geste, oui, de main. Oui. De élégance. Quoique au Japon, il y a beaucoup d'élégance. Il y a beaucoup de... Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est deux beautés différentes. Oui. Au Japon, les mains fermées, gestes fermés, oui, pour, okay, le silence. Européenne, français, c'est les mains ouvertes. Oh, oui, oui, oui, oui, ok. Donc, c'est la salutation différente. Si tu étais une époque. Une époque? Oui. Ah, j'aime bien maintenant, mais peut-être 4, non, j'aime bien maintenant. Si tu étais un mot. Quoi? Un mot, si tu étais un mot. Un mot? Oui. Bonheur. Bonheur, ah oui, effectivement. Si tu étais un aliment. Un aliment. Anima. Un aliment. Animal, c'est quoi ça? Quelque chose que l'on mange. Ah, aliment. Oui. Du riz. Du riz? Ok, oui. Basmati? Non, du riz blanc. Okay. Ah oui. Ah, manges-tu beaucoup de riz? Manges-tu beaucoup de riz? On mange beaucoup, mais bon. Est-ce que le riz France... ici est bon? Ah, c'est... Oui, c'est très, oui, bon. Ouais. Aussi bon qu'au Japon? Bah, du bien magasin. Ah oui, c'est vrai, oui. Si tu étais une saison? Saison? Oui. L'été. Là, ouais, actuellement. Ouais, ouais, ouais. Si tu étais un membre corporel, un membre du corps. Membre? Un bras, oui, une jambe ou... C'est une bonne question. Les yeux.

Errance Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. Le ciel est confus ce soir, complètement comprimé par les nuages. Tout à coup l'air c'est con, danser c'est la tempête. Ça porte à confusion, toutes ces histoires de con. J'ai la science, j'ai pas la solution. C'est compliqué le temps qu'on met pour comprendre les compressions qui mènent à la déveine. On est tous comme des cons, promis à la dérive. C'est la déconfiture qui colle à la figure de ceux qui sont trop considérés par les autres. On est tous un peu confrères dans la misère, ennemis dans le blé. Et puis ça porte à confusion, toutes ces histoires de cons. Le ciel est confus ce soir, complètement comprimé par les nuages. Toute ta couleur c'est con, danser c'est la tempête. Et puis ça porte à confusion, toutes ces histoires de cons. J'ai la science, j'ai pas la solution. C'est la déconfiture qui colle à la figure. C'est la déconfiture qui colle à la figure. C'est la déconfiture qui colle à la figure. C'est la déconfiture. Think about it, I go.

10 années. Et j'ai rencontré Nicolas il y a 2 ans ou 1 année. Et je lui ai dit de te parler de moi. Et c'est ce qui est arrivé. Je crois qu'il y a 6 mois, il t'a parlé un peu. Tout à fait. Il est tellement... Nous étions ici. Ah, oui, d'accord. Ici. Oui. Oui. Nous avons pris une photo dans une boutique qui s'appelle le Nicolas. Une boutique de vin. Il adore. Et ça va très bien avec le Nicolas. Il est très épicurien. Oui, oui, et il aime beaucoup le oui, bon vin. Oui, de vin, ouais, de vin. Et en terminant, est-ce que je peux prendre une photo? Oui. Bien sûr, okay, oui. OK, merci. Et puis, est-ce que, tu peux me remettre ton album ici? Alors, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Attends, Lui ici? Oui. OK. Je vais mettre la comme ça. Ça, c'est Gio Monet, ça, parce que c'est un article qui est sur mode du Nababé. Peut-être, je vais... J'ai fait quelque chose, mais pardon, c'est moi. Tu peux envoyer par... bon, quand on est sorti de disque... Ah oui, sur jazz, oui. Ouais. Donc ça, et puis... bon, ça, c'est la 2007, quoi, quand 2007, à Festival nice, de jazz, oui. Tout okay, ça. OK, c'est le programme donc, de... Oui, oui, quand je suis passée, et puis... Bon, après, j'ai passé une autre fois, et... Et puis, bon, il y a plein de mais je n'ai pas au monnaie. Ben oui. Donc ça, c'est... attendez. Attends. Ah, ça, c'est... Tu t'as donné? Tu as ça dans le... OK, oui, OK. Oui, donc ça... Ah oui, j'ai vu la photo. Oui. Donc, voilà. Belle photo. Belle photo. Oui. Voilà. Eh, hey, merci. Merci à toi. Donc, on va prendre le photo. Oui, photo, ben oui. Je vais vous prendre tous les deux si vous voulez. Hein. Oui, puis les trois aussi. Tous les trois, si ben vous voulez, effectivement. Ben oui. Pourquoi pas. Mais l'appareil, c'est un appareil assez, assez professionnel. Ah oui. Mais non, mais je vais vous. Non, mais c'est très facile. Hein. Tu vas monter ça. Ah, tu veux remettre à l'intérieur. Prends deux secondes. Je pose ça. Ah, pardon. Attends. Voilà. C'est automatique. D'accord. OK, mmh. Alors tu presses ici, mais ça se fait tout seul. D'accord. Il n'y a pas de... Très, très bien. De... OK, OK. Bah, prends Ryuko peut-être... Leonardo, on va prendre nous trois, puis après tu as, ça... Tu as la... Tu sais, excusez-moi, deuxième oui, disque, oui, là, ici. Ensemble, comme ça. Un tout petit peu. Bon, ça fait de plaisir, les maisons disques. Ici? Oui, dedans. OK. Ça fait plaisir ici, parce que sinon, tu vas tout faire tomber. Ça, comme ça, je fais ouais, tout. Demain. Ah, oh, tu veux montrer tes disques? OK. Ah non? Oh oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est là. Excellent. Nous alors, trois. Tous les, tu crois qu'on va y arriver? Alors, ouais, nous trois, mais oui, ben oui. Passe à côté si tu veux. Non, non, ici comme on ça. On va plutôt Rio qu'au milieu. Oui, ça, oui, ok. Thank you. écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Si nous marchions jusqu'à la plage, si nous nous roulions dans le sable, au milieu des gentils touristes allemands à la peau rouge et fragile, moi, je ferais semblant d'être sage. Toi, tu ramasseras des coquillages. Et si on a soif, on mangera des glaces à la pistache. Tous à la nage pour aller fracasser les vagues et la tête dans l'eau, on aura moins chaud, c'est pas plus mal, juste pour changer de paysage. Là, on s'allongera dans les nuages, puis sous le soleil, avec les orteils en éventail.